الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc continue toujours la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi حفظه الله تعالى. يقول المؤلف أقسام الدور وأقسام أهلها. الدور ثلاث: أولا دار الدنيا، وثانيا دار البرزخ، وثالثا دار الآخرة. والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم ينقسم إلى أقسام، وهم: أولا مؤمنون وهم قسمان، ثانيا منافقون وهم قسمان، ثالثا كافرون وهم قسمان. ثم قال: المؤمنون قسمان، أولا سابقون وهم المقربون، وثانيا أصحاب اليمين وهم الأبرار. وانظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال: تنبيه: الأدلة على ما ذكرته في أقسام الدور وأقسام أهلها كثيرة معلومة. وتنبيه آخر: سيأتي الكلام على أقسام المنافقين والكافرين. Puis, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wisabi, hafidhahullah, titre le chapitre en disant les différentes demeures et les différentes catégories des gens. Donc, les demeures sont de trois, comme il le dit, hafidhahullah, et les gens également se divisent en trois catégories. Quant aux demeures, il y a tout d'abord la demeure de la vie d'ici-bas, ce bas monde, Dar al-Dunya. Deuxièmement, il y a la demeure de l'Barzakh, qui est le monde intermédiaire entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Et Dar al-Barzakh, le monde de l'Barzakh, c'est bien sûr la vie qu'il y a dans la tombe. Thalithan, et troisièmement, il y a la demeure de l'au-delà, qui est une demeure éternelle. Et les gens, à travers ces trois demeures, se divisent également en trois parties. Et chaque partie se subdivise en deux. Les gens se divisent en trois: il y a les croyants, il y a les hypocrites et il y a les mécréants. Les croyants se divisent en deux, les hypocrites se divisent en deux et les mécréants se divisent en deux également. Puis, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab va donner les deux parties par lesquelles se subdivisent les croyants. Les croyants sont de deux sortes. Il y a awwalan as-sabiqoun, qui sont ceux qui concourent et ceux qui se font la concurrence aux bonnes œuvres. Wahumul muqarrabun, et ce sont eux les rapprochés, c'est rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus tu fais de bonnes œuvres et plus tu te rapproches de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, il y a ashabul yamin, il y a les gens de la droite. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et eux ce sont les pieux. Et quant à la subdivision des mécréants et des hypocrites, le Cheikh hafidhahullah dit que cela viendra par la suite, un peu plus tard, dans son livre. Et les preuves qui viennent appuyer, attester ces différentes catégories, que ce soit les différentes demeures, ou que ce soit la séparation des gens en croyants, en hypocrites et en mécréants, et en divisant chacune de ces parties en deux, tout ceci, bien sûr, est appuyé par des preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et celui qui veut plus de détails, qu'il se réfère au tafsir de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, lorsqu'il explique entre autres sourate Al-Waqi'ah, afwan sourate Al-Waqi'ah, dans le quatrième volume, page 290. ثم قال الشيخ حفظه الله خطر الشرك بالله. Puis il entame le chapitre de la gravité de l'associanisme et du fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite différents versets et différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent la gravité de l'association ou du polythéisme. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Il cite la parole d'Allah عز وجل dans sourate An-Nisa, le verset 48. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose, c'est-à-dire tout autre péché en dehors de l'associanisme à qui il veut, et celui qui associe à Allah a alors commis un énorme péché. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, dans sourate An-Nisa également, le verset 116, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut, et celui qui associe à Allah s'est alors égaré d'un égarement lointain. On va lire la parole de Cheikh Sa'di rahimahullah en explication de ce verset, le 116e verset de Surat An-Nisa, Surat les femmes. Yaqulu rahimahullah, wa huwa ay anna shirka لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. Il dit, rahimahullah, en expliquant ce 116e verset de Surat An-Nisa, et c'est-à-dire l'associanisme, le polythéisme, ash-shirk, Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas. Car le polythéisme est une atteinte à Allah, le Seigneur des mondes. Une atteinte dans son essence, une atteinte dans son unicité, subhanahu wa ta'ala. Et c'est également une atteinte envers Allah Azza wa Jal, car celui qui associe à Allah a mis une créature au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une créature qui ne peut pour elle ni apporter un bien, ni rejeter un mal. Et ceci en délaissant celui qui détient toute chose, celui qui a le pouvoir, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, de donner le bien et le mal également. Il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah. Et il n'y a pas un mal qui n'est repoussé sans que ce mal ne soit repoussé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est le parfait dans tous les sens du terme et il est subhanahu wa ta'ala le riche, celui qui possède tout. فمن اعظم الظلم وابعد الضلال عدم اخلاص العباده لمن هذا شانه وعظمته. Et fait partie de la plus injuste des injustices et du plus lointain des égarements de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas adorer ce Seigneur dont les caractéristiques sont celles précédemment citées, et de vouer une adoration à une de ses créatures. « Alladhi laysa lahu min sifati al-kamali shay' ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم. Comment délaisser Allah Azza wa Jal et adorer une de ses créatures qui n'a des caractéristiques d'Allah rien, qui est faible dans tous les sens du terme et qui ne possède rien si ce n'est le néant. عدم الوجوه عدم الكمال وعدم الغنى من جميع الوجوه وأما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة. Et quant aux autres péchés en dehors du polythéisme, eh bien celui qui le commet est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ghafarahu bi rahmatihi wa hikmatihi. Si Allah azza wa jalla le veut, il lui pardonnera par sa miséricorde et par sa sagesse. Wa insha'a 'adhaba 'alayhi wa 'aqaba bi 'adlihi wa hikmatihi. Et s'il le veut, il le châtiera par sa justice et par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا الله عز وجل دي dans le 72e verset de sourate al-Ma'idah, ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah était le Messie, fils de Marie. Et le Messie a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdira l'entrée au paradis et sa demeure sera l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et les injustes ne trouveront aucun secoureur. Personne ne viendra les secourir. Et bien sûr, les premiers visés, ce sont les divinités qu'ils auront adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne leur seront d'aucune utilité ce jour-là. Qala al-Sheikh al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, عند تفسير هذه الآية, يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم بشبهة أنه خرج من أم بلا أب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية. Il dit rahimahullah, en expliquant ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe de la mécréance des chrétiens lorsqu'ils ont dit qu'Allah est le Messie fils de Marie. Pourquoi ont-ils dit ça? Pourquoi ont-ils dit cela? Sous prétexte que Isa alayhi salam est créé ou a été créé d'une mère sans père et qu'il a par cela sorti de l'ordinaire. والحال انه عليه الصلاه والسلام قد كذبهم في هذه الدعوه وقال لهم يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فاثبت لنفسه العبوديه التامه ولربه الربوبيه الشامله لكل مخلوق. La réalité est tout autre. Et Isa alayhi salam a traité de mensonge ce prétexte qu'ils ont apporté et leur a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il a tout d'abord attesté à lui-même l'adoration complète et il a attesté à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala la seigneurie qui englobe bien sûr toute créature. إنه من يشرك بالله أحدا من المخلوقين لا عيسى ولا غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق وصرف ما خلقه الله له وهو العبادة الخالصة لغير من هي له فاستحق أن يخلد في النار وما للظالمين من أنصار ينقذونه من عذاب الله أو يرفعون عنهم بعض ما نزل بهم. Puis Allah Azza wa Jalla dit, celui qui associe à Allah quelque chose ou une de ses créatures, que ce soit Isa ou autre, Allah lui interdira l'entrée au paradis et sa destinée sera l'enfer. Ceci car il aura mis sur le même piédestal la créature et le créateur. Et il aura voué ce pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a créé, à savoir de l'adorer seul, subhanahu wa ta'ala, sans ne rien le lui associer, eh bien, il l'aura dévoué ou voué à celui qui ne la mérite pas. Ainsi, il méritera d'être en enfer. Et les injustes n'auront aucun secoureur qui viendra les sauver du châtiment d'Allah ou doter une partie du châtiment qui les a touchés. Wa qala ta'ala, dhalika wa man yu'azzim hurumati Allah, fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih, wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla 'alaykum, fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Et Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens, dans les versets 30 et 31 de Sourate Al-Hajj, le pèlerinage, ainsi, ceux qui prennent en considération les limites sacrées d'Allah, cela est meilleur pour lui auprès de son Seigneur. Et vous ont été autorisés les bestiaux, sauf ceux qui font exception. Abstenez-vous de la saleté des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Et soyez humbles et adorez Allah seul, sans lui associe quoi que ce soit. Et celui qui associe Allah est comparable à celui qui tombe des cieux et qui se fait couper et happer par les oiseaux ou que le vent précipiterait vers un endroit lointain. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit dans l'explication de ce verset, de ces deux versets, ذلك أي ما ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها, لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله والمقربة إليه التي من عظمها أو أجلها أثابه الله ثوابا جزيلا وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. Ceci, ceux qui prennent en haute considération, ceci, c'est-à-dire tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans cette sourate Al-Hajj, entre autres parmi les emblèmes et les rites du pèlerinage, tous ces jugements, le fait de les mettre en pratique et de les immensifier et de leur donner de l'importance fait partie des choses qui sont aimées chez Allah et des choses qui le rapprochent de lui, subhanahu wa ta'ala, allati, est celui qui honore les limites sacrées d'Allah et les emblèmes de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla lui accordera une récompense immense et cela sera un bien pour lui dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa hurumati Allah kullu ma lahu hurmah wa amara bi ihtiramih. Et les limites sacrées d'Allah, quelle est la définition? Les limites sacrées d'Allah et tout ce qui a un caractère sacré, ou toute chose qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de respecter, min ibadatin aw ghayriha, que cela soit des adorations ou autres, kal manasiki kulliha wa kal harami wal ihram wa kal hadaya, comme par exemple les rites du pèlerinage, tous les rites du pèlerinage, comme la terre sacrée de la Mecque et de Médine, comme l'état de sacralisation, comme les bêtes à sacrifier, وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها. Et comme toute autre adoration qu'Allah سبحانه وتعالى a ordonné d'accomplir. فتعظيمها يكون إجلالا بالقلب ومحبتها تكميل العبودية فيها. Et comment immensifier et honorer ces choses sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, de les immensifier se fait par le cœur en les respectant et de les aimer en les accomplissant de la meilleure des façons. En ghayra mutahawinin, wala mutakasilin, wala mutathaqilin. ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام. Et également d'adorer Allah Azza wa Jal et d'accomplir ses adorations de la meilleure des façons fait partie du fait d'aimer les limites sacrées d'Allah en n'étant pas, en ne manquant pas à leur égard, c'est-à-dire à l'égard de ses adorations, ni en les accomplissant en étant fainéants ou en considérant celle-ci comme étant un fardeau, et de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Parmi ces bienfaits, bahimatul an'am min iblin wa baqarin wa ghanamin wa shar'aha min jumlatil manasik allati yataqarrabu biha ilayhi fa'azzamat minnatuhu fiha min al-wajhayn. Et également de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bestiaux comme les chameaux, les vaches et tous les bovins ou les ovins, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ces bestiaux fassent partie des emblèmes du pèlerinage et des rites du pèlerinage. إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه من قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Sauf les bestiaux qui vous ont été cités, c'est-à-dire comme étant interdits dans le Coran, et parmi cela, comme Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Vous sont interdits la bête morte, le sang et la viande de porc. ولكن الذي من رحمته بعباده أن حرمه عليهم ومنعهم منه تزكية لهم وتطهيرا من الشرك به وقول الزور. ولهذا قال فاجتنبوا الرجس أي الخبث القذر من الأوثان أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله فإنها أكبر أنواع الرجس. Allah Azza wa Jal nous a interdit cela de par une miséricorde de sa part, subhanahu wa ta'ala, et ceci pour nous purifier, et pour nous purifier du polythéisme et des paroles mensongères. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne, comme il le dit dans ce verset, فَجْتَنِبُوا الرِّجْسِ, abandonner et délaisser la souillure, أي الخبث القدر من الأوثان, les souillures parmi les idoles, c'est-à-dire par tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles font partie des choses les plus souillées et les plus sales. Ila an qal, rahimahullahu ta'ala, amarahum an yakunu hunafa'a lillah, muqbilina alayhi wa ala ibadatihi mu'ridina amma siwah. Puis Allah Azza wa Jalla dans le verset 31 nous ordonne de l'adorer en revenant vers lui subhanahu wa ta'ala et en délaissant tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. غير مشركين به ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير بسرعة أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد. وكذلك المشركون فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة. أدعي الله أن لا يسوسون rien غير مشركين به ومن يشرك بالله. Et celui qui associe Allah, eh bien, il est comparable. فكأنما خر من السماء, C'est comme s'il tombait des cieux. C'est-à-dire, c'est comme si il y était jeté des cieux. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ بِسُرْعَةٍ. Et les oiseaux l'attrapent et le découpent rapidement. أَوْتَهُوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Ou alors, les vents l'emportent vers un endroit éloigné. Et il dit, rahimahullah, وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ. Et ainsi sont les polythéistes. فَالْإِيمَانُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاءِ. La foi est comparable aux cieux. مَحْفُوظَةٌ مَرْفُوعَةٌ. Et les cieux, la foi est comparable aux cieux qui est préservée et qui est élevée. وَمَنْ تَرَكَ الْإِيمَانُ بِمَنْزِلَةِ السَّاقِتِ مِنَ السَّمَاءِ. Et celui qui délaisse la foi, il est comparable à celui qui descend et qui est jeté des cieux. عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ فَإِمَّا تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَقْطَعُهُ أَعْضَاءٌ كَذَلِكَ الْمُشْرِكُ إِذَا تَرَكَ الْاِعْتِصَامَ بِالْإِيمَانِ تَخْطَفُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمَزَّقُوهُ وَأَذْهَبُوا عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ. Ainsi, Allah Azza wa Jal a comparé la foi aux cieux qui sont préservés et élevés. Celui donc qui délaisse la foi est comparable à celui qui est jeté des cieux et qui est donc exposé à une multitude de mal et une multitude d'épreuves. Et il dit, rahimahullah, soit les oiseaux l'attrapent en le découpant membre après membre. Ainsi est le polythéiste. Lorsqu'il délaisse la foi, eh bien, les diables l'attrapent et le découpent de toutes parts. Et le déchirent et le déchiquent. وَأَذْهَبُوا عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ. Et lui font perdre à la fois sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Ils lui font perdre sa vie d'ici-bas ainsi que sa religion. وَإِمَّا تَأْخُذَهُ عَاصِفَةٌ شَدِيدَةٌ مِنَ الرِّيحِ فَتَعْلُو بِهِ فِي طَبَقَاتِ الْجَوْ فَتَقْذِفُهُ بَعْدَ أَنْ تَنْقَطِعَ أَعْضَاؤُهُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ جِدًّا. Ou soit alors, celui qui est jeté des cieux, soit alors il est pris par des vents violents qui le soulèvent dans les différentes... degrés de l'atmosphère, puis il redescend alors que ses membres se découpent les uns après les autres et qu'il se retrouve dans un endroit éloigné. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 13 de sourate Luqman, et lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il l'exhorte, ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'associanisme est une immense injustice. L'exhortation, comment l'ont défini les savants? Qui le sait? وَهُوَ يَعِظُهُ. Lorsqu'on parle d'une maw'idha, c'est quoi une maw'idha? C'est quoi une exhortation? C'est quelque chose qui va directement au cœur, on va dire. Plus directement, on peut dire ça. Une définition, c'est précis. Non, c'est ça, c'est général. C'est une interdiction. La moitié. C'est pas complet. L'exhortation, les savants disent que c'est le fait d'ordonner et d'interdire en encourageant ou en faisant peur. Donc, quand tu exhortes quelqu'un à faire le bien, quand tu l'ordonnes à faire le bien, tu lui dis « fais telle chose ». Mais quand tu l'exhortes à faire le bien, tu vas lui dire « fais telle chose » et tu auras telle et telle récompense. Quand tu interdis, tu dis « ne fais pas ». Mais quand tu exhortes, tu dis « ne fais pas », car si tu fais, tu vas avoir tel et tel châtiment. Donc, l'exhortation, c'est, comme je l'ai dit, le fait d'ordonner ou d'interdire et ou يعني سواء d'ordonner d'interdire, mais ça peut être aussi dans une exhortation, il peut aussi y avoir un ordre et une interdiction, بالترغيب والترهيب, en encourageant et en faisant peur, à travers des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Et ainsi a fait Luqman lorsqu'il a exhorté son fils en lui disant: ô mon fils, n'associe pas à Allah. Pourquoi? Car l'associanisme est une immense injustice. Est une immense injustice, et cette injustice, vous la connaissez tous, c'est le fait de délaisser le Seigneur des mondes et d'adorer une créature qui est incapable, une créature qui est faible de toutes parts, une créature qui ne peut apporter ni un bien ni refouler un mal, eh bien, et de délaisser le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses, le Gouverneur des mondes, eh bien, cela est sans aucun doute la pire des injustices. Et le châtiment d'Allah Azza wa Jal est bien sûr proportionnel à cette injustice. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 88 de sourate Al-An'am, sourate les bestiaux: et s'ils avaient associé, eh bien serait aboli d'eux tout ce qu'ils ont fait. Ici Allah Azza wa Jalla parle de qui? Non. Non. Non. Na'am, ahsant. Prophète. Les prophètes et envoyés. Dans sourate Al-An'am, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré les prophètes, وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب. Ensuite, كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم. Donc il y a combien là? Combien? 17. C'est le chiffre que j'avais. 17 prophètes qu'Allah Azza wa Jal a cités. Donc pour vous traduire les versets de façon globale, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, et voici les preuves que nous avons données à Ibrahim sur son peuple, lorsqu'il a dit à son peuple, ou lorsqu'il leur a prouvé que les statues qu'ils adoraient étaient fausses, et que s'il y avait un seigneur, eh bien, il a dit que ça allait être tout d'abord les étoiles. Puis lorsqu'il a vu les étoiles se disparaître, il dit que Allah Azza wa Jalla, une divinité ne peut disparaître. Puis il a parlé de la lune, puis il a parlé du soleil, etc. نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب. Et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, c'est-à-dire à qui? À Ibrahim. Kullan hadayna, les deux nous les avons guidés. Wa Nuhan hadayna min qabl, et Nuh nous l'avons guidé auparavant. Wa min dhurriyyatihi, et parmi sa descendance, c'est-à-dire parmi la descendance de Nuh, Daoud, wa Sulayman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Moussa et Haroun, et ainsi nous récompensons les bienfaisants. Wa Zakariya, ainsi que Yahya et Isa et Ilyas, tous faisaient partie des vertueux. Et Ismaïl, Eliasa, et Yunus, et Lot, tous nous les avons favorisés parmi les mondes. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim, et parmi leurs pères, leurs descendants et leurs frères, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Nous les avons choisis et nous les avons guidés vers le droit chemin. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Voici la voie d'Allah, qu'Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient associé, eh bien, nous aurions aboli tout ce qu'ils avaient fait. Donc ici, Allah Azza wa Jalla parle de qui ? De tous les prophètes et envoyés. Que s'ils avaient fait du shirk, eh bien qu'Allah Azza wa Jalla aurait aboli tous les actes qu'ils auraient faits. Ceci en parlant des meilleures créatures, des meilleurs êtres humains, de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour transmettre son message et ses différentes religions. Que dire alors d'une personne qui ne fait partie ni des prophètes, ni des envoyés, ni même des vertueux ou des personnes qui sont rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Et Allah عز وجل dit dans sourate Az-Zumar, les versets 65 et 66, et nous avons révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, si tu associes, nous abolirons tes actes et tu feras partie des perdants. Balillaha fa'bud. Mais c'est plutôt Allah que tu dois adorer et fais partie de ceux qui sont reconnaissants. Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Et il dit aussi subhanahu wa qala ta'ala ولا تكونن من المشركين في سورة الأنعام ويونس والقصص. وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Et Allah Azza wa Jalla dit également, et ne fais pas partie des polythéistes. Il le dit dans sourate Al-An'am, le verset 14, dans sourate Yunus, le verset 105, et dans sourate Al-Qasas, les histoires, le verset 87. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, Muni bina ilayh, revenez vers lui, wattaquhu, et craignez-le, wa aqimu salah, et accomplissez la prière, et ne faites pas partie des polythéistes. Surat Ar-Rum, les Romains, verset 31. Dans tous ces versets du Coran, bien sûr, ce sont que des exemples que le Cheikh a cités. Quant au verset qui interdit le polythéisme, ils sont bien sûr plus que nombreux dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci montre la gravité de ce péché le plus grave et que le musulman doit prendre garde à ne pas tomber dedans, et il ne doit pas le sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer l'associanisme et ne pas croire que c'est quelque chose de tellement flagrant et de tellement clair qu'en ayant un minimum de connaissances, la personne peut s'en abstenir. Non, il faut apprendre ce que c'est que le polythéisme pour ne pas tomber dedans, car tomber dedans est une perdition assurée dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wal'iyadu billah. Wal'ayatu fi hadha al-babi kathira, wa amma al-hadith faminha, awalan hadithu Jabir, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه مسلم في صحيحه. الشيخ لدي إلى ذخسي dans ce sujet sont extrêmement nombreux. Et quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui montre la gravité du polythéisme, il y a le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, qui dit qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô envoyé d'Allah, quelles sont les deux choses al-mujibatan qui sont dues. Quelles sont les deux choses qui sont dues? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en n'associant rien à Allah entrera au paradis. Et celui qui meurt en associant quelque chose à Allah entrera en enfer. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Thaniyan, wa anhu aydan radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار أخرجه مسلم أيضا. Et selon Jabir ibn Abdillah également, il dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, celui qui rencontre Allah en ayant associé rien à lui entrera au paradis, et celui qui le rencontre en ayant associé à lui entrera en enfer. ثالثا عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت. رواه البخاري في الادب المفرد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وحسنه في صحيح الأدب المفرد وصححه في الإروى بشواهده والصحيح أنه حسن من أجل شهر ابن حوشب فإنه مختلف فيه والصواب تحسين حديثه. Troisièmement, selon Abu Darda رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, n'associe rien à Allah, même si l'on te découpe ou que l'on te brûle. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad par Ibn Majah, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami', il l'a jugé bon dans Sahih Al-Adab al-Mufrad, il l'a authentifié dans son livre Al-Irwa, et Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wissabi dit, et la vérité est que le hadith est jugé bon, car il y a dans la chaîne de transmission Shahr ibn Hawshab, et les savants du hadith ont divergé à son sujet, et la vérité est que le hadith qu'il rapporte est bon et non authentique. À la kulli hal, que le hadith soit bon ou qu'il soit authentique, dans tous les cas, il est accepté et pris en compte. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'associe rien à Allah, même si l'on te découpe, et même si l'on te brûle. N'aam akhi, fadal. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses compagnons lorsqu'ils étaient persécutés à la Mecque, et qu'ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah en leur faveur, car les représailles des polythéistes étaient bien trop difficiles à supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé, il s'est mis assis, son visage a rougi et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens avant vous, l'on peignait leur peau avec des peignes de fer. Ceci ne le faisait pas revenir sur sa religion. Et d'autres l'ont placé une scie au milieu de leur tête, puis on les coupait en deux, cela ne les faisait pas revenir sur leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi encourageait ses compagnons, radiallahu anhum, à supporter les supplices et les représailles et les châtiments des polythéistes et de ne pas revenir sur leur religion. Rabi'an, وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. Et selon Abi Bakr radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe du plus grand des grands péchés? Nous avons dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah. Il a dit, c'est d'associer à Allah. Et c'est de désobéir aux parents. Ou de leur manquer de respect. Il était accoudé, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est assis et a dit, et la parole mensongère. Et la parole mensongère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté de répéter cette parole. Et la parole mensongère. Et jusqu'à ce que les compagnons aient dit, si seulement ils s'arrêtaient. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم اسمع أبو هريرة رضي الله عنه. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, abstenez-vous des sept péchés capitaux. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, mais quels sont-ils? Il a répondu, c'est d'associer à Allah, c'est la sorcellerie, c'est de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf dans la vérité, c'est de consommer l'usure, c'est de consommer l'argent de l'orphelin, c'est de se sauver et de tourner le dos le jour du combat, et c'est d'accuser injustement des femmes chastes, croyantes et innocentes, de les accuser d'adultère. Ceci sont les sept péchés capitaux, et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. ثم قال الشيخ حفظه الله أقسام الشرك كثيرة ذكرت منها 15 نوعا وهي. Puis الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله dit: Et les différentes sortes de polythéisme sont nombreuses. J'en ai cité 15 qui sont les suivantes. أولا شرك في الربوبية وذلك كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية. Premièrement, il y a le polythéisme dans la seigneurie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une personne croit, ou cela signifie de croire qu'une personne ou qu'une chose en dehors d'Allah crée ou donne la pourvoyance ou donne la vie ou donne la mort ou toute autre caractéristique qui font partie de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانياً شرك في الألوهية وذلك كأن يصرف شخص نوعا من أنواع العبادات لغير الله كائنا من كان كالذبح والنذر والدعاء والحنف وغير ذلك. Deuxièmement, il y a le polythéisme dans l'adoration. Ceci consiste au fait de vouer ou qu'une personne voue une adoration parmi les différentes sortes d'adoration à autre qu'Allah, quelle que soit cette chose ou quelle que soit cette personne, comme de sacrifier pour elle ou pour lui, comme de faire un vœu, comme d'invoquer, comme de jurer, etc., etc. ثالثا شرك في الأسماء والصفات وذلك كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله تعالى كعلم الغيب مثلا إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه الخاصة به. Troisièmement, il y a le polythéisme dans les noms et attributs. Cela consiste à ce qu'une personne décrive ou caractérise certaines créatures d'Allah par certaines caractéristiques d'Allah qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la connaissance de l'invisible par exemple, ou toute autre caractéristique qui sont propres et exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, shirkun akbar. وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادات لغير الله كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك وهو مخرج من الملة. Il y a le grand polythéisme. Quatrièmement, le grand polythéisme. Le grand polythéisme consiste à ce qu'une personne croit qu'autre qu'Allah crée, ou qu'autre qu'Allah donne la pourvoyance, ou qu'il donne la vie, ou la mort, ou qu'il connaît l'invisible, ou bien de vouer, ou qu'il a le commandement dans ce monde, ou bien qu'une personne voue une des adorations à autre qu'Allah, comme le fait de s'incliner, de se prosterner, de sacrifier, de faire un vœu, d'invoquer et toute autre adoration, et ceci, c'est-à-dire ce polythéisme, fait sortir de la religion. خامسا شرك أصغر وهو كثير مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم وقول ما شاء الله وفلان ومنه الرياء والسمعة وغير وهو غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عن جندب بن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به رواه البخاري ومسلم تنبيه الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء راجع فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الأول. Cinquièmement, il y a le poly, le petit polythéisme. Et le petit polythéisme est nombreux, comme le fait de jurer par autre qu'Allah sans immensifier cette chose. Sans immensifier cette chose par laquelle tu as juré par autre en dehors d'Allah. Ou le fait de dire Allah a voulu et un tel. Et fait partie également du petit polythéisme, l'ostentation. Wassum'ah est le fait d'adorer, de faire une adoration dans le but d'avoir une réputation. Et celui-ci, c'est-à-dire cette sorte de polythéisme, ne fait pas sortir de l'islam, mais elle oblige à repentir. وَهُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Et le petit polythéisme est le plus grand des grands péchés après le grand polythéisme. Selon Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sama'a sama'a Allahu bih. Celui qui fait entendre, Allah le fera entendre. Et celui qui se montre, Allah le montrera. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qu'est-ce que ce hadith signifie? Al-Imam Nawawi rahimahullah, ici c'est une remarque de ma part, dit dans son livre où il explique Sahih Muslim, Sharh Sahih Muslim, il dit rahimahullah, قال العلماء معناه من رايا بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقد خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. L'imam Nawawi rahimahullah a dit, les savants ont dit, le sens, c'est-à-dire de ce hadith, est celui qui fait des actes par ostentation et qui les fait entendre aux gens afin qu'ils soient généreux envers lui, ou afin que les gens lui donnent de l'importance, ou afin que les gens croit et pense de lui du bien, eh bien celui qui adore et qui fait une adoration dans ce but-là, Allah Azza wa Jal fera entendre les gens le jour du jugement et humiliera et dévoilera l'intention de cette personne. Et quelle humiliation est plus grande qu'une humiliation faite le jour du jugement? Car le jour du jugement, ce sont toutes les créatures qui sont rassemblées, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier des êtres humains. Une personne rougit lorsque, entre guillemets, on la grille devant 10 personnes, alors comment sera-t-elle si on dévoile ses péchés, si on dévoile ses intentions devant des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains? Puis, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wissabi fait une remarque en disant que l'ostentation peut faire partie du grand associanisme, du grand polythéisme, si la personne ne fait l'acte que pour les gens. Et cette ostentation est considérée comme un petit polythéisme lorsque il fait l'adoration pour Allah, mais que son intention est mélangée à l'ostentation. Celui donc qui adore Allah Azza wa Jal, qui vient prier à la mosquée dans le seul but que les gens le voient prier, il ne prie pas pour Allah, cela fait partie du grand polythéisme. Mais s'il vient pour Allah Azza wa Jal, il prie pour Allah, mais son intention est tachée d'ostentation, et il va prier mieux que quand il prie chez lui tout seul, eh bien cela fait partie des grands péchés. Il doit se repentir, mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. Sadisan shirkun khafi, wa huwa an ya'mal ar-rajul li makan ar-rajul, wa huwa ar-riya ayda, wa huwa kama 'alimt ghayru mukhrij min al-millah, walakin tajibu at-tawbah minhu. 'An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu 'anhu, qala Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam, ash-shirku al-khafi an ya'mal ar-rajul li makan ar-rajul. Rawahu Ibn Majah وابن صاعد وابن عدي والحاكم وحسنه الألباني. والشرك الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب نوع الشرك الذي وقع فيه الإنسان. انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد الأول الصفحة 46 إلى 47. Sixièmement, parmi la sixième sorte de polythéisme, il y a Ash-Shirk al-Khafi, le polythéisme caché. C'est le fait de faire une adoration ou de faire un acte. C'est le fait qu'un homme ou un être humain fasse un acte de par le statut d'une autre personne. Tu vas faire un acte d'adoration devant une personne qui a un haut rang, qui a un statut élevé, eh bien cela fait également partie de l'ostentation. Et c'est, comme cela a été précédemment dit, c'est un polythéisme qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui oblige à repentir. Et la preuve que cela fait partie du polythéisme caché, et le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ash-shirkul khafi, le polythéisme caché, c'est qu'un homme fasse un acte devant, entre parenthèses, un homme de haut rang, ou qui a un statut élevé. Puis il dit, hafidhahullah, والشرك الخفي قد يكون أكبر. Et le polythéisme caché peut être grand et il peut être petit également. Tout dépend. بحسب نوع الشرك الذي وقع فيه الإنسان. Tout dépend du polythéisme dans lequel est tombée la personne. Et il dit, et regarde si tu veux les fatawas de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en le premier volume, les pages 46 à